بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد شاف خيصر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et bienvenue à cette nouvelle séance de notre série Les héritiers des prophètes sur l'importance ainsi que l'éthique et la méthodologie de l'ilm, ça veut dire ce qu'on pourrait appeler la connaissance ou bien le savoir ou bien la science. Je sais qu'avant ça, je disais à chaque fois la connaissance, le savoir, mais pour aller, inshallah ta'ala, avec les notes de cours et pour que ça passe de façon comme ça plus intéressante, on va appeler ça, inshallah ta'ala, l'ilm, on va dire à chaque fois la science, inshallah ta'ala, pour que ça va avec le même mot qui est utilisé dans les notes de cours en tant que tel. La dernière fois, en quelques heures, en 4 ou 5 heures, on a parlé de l'importance des mérites de la connaissance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère qu'à cette étape-là, tout le monde est convaincu de l'importance de l'ilm dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on passe au deuxième de nos quatre chapitres. Et ce deuxième chapitre porte sur le concept de connaissance. Ça veut dire, quelles sont les différentes formes de connaissance? Qu'est-ce qu'on veut dire par connaissance plus en détail? Ça veut dire, on va analyser maintenant la connaissance, le ilm, la science en tant que telle, on va en faire une analyse, incha'Allah ta'ala. Et on va commencer avec la première section qui nous parle de la classification des différentes catégories de la science, de l'ilm, dépendamment de leur niveau d'importance, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle habituellement al-hukm al-shar'i. C'est quoi al-hukm? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi al-hukm? Quand on va dire c'est quoi le hukm de telle chose, qu'est-ce que ça veut dire al-hukm? Oui mon frère. Hein? C'est ça, c'est le jugement que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala porte sur cette chose-là en détail, n'est-ce pas? C'est quoi le jugement de l'eau? Halal, n'est-ce pas, c'est permis, l'eau c'est permis, l'alcool c'est haram, voyez-vous, donc ça c'est des ahkam, le hukm c'est un jugement. Donc habituellement, toute chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut apporter un jugement sur elle. On va dire soit aller, quels sont les jugements possibles? Je sais qu'on n'a pas encore fait le cours de usul fiqh, mais quand on va le faire, inshallah, on va voir plus en détail. Il y a 5 jugements possibles, c'est quoi les 5? Comme ça, logiquement. Halal, donc c'est simple, n'est-ce pas, halal? T'as droit, tu veux le faire, tu veux pas le faire, c'est libre à toi. Quoi d'autre? Le avant. Les plus simples comme ça. Halal, haram, n'est-ce pas haram, c'est interdit. Tu vas dire telle chose est interdite. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de la toucher. Quoi d'autre? La chose la plus simple après le haram, quoi? Avant ça, plus simple encore. Le wajib, l'obligatoire. Il y a des choses qui sont obligatoires dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, donc, on commence avec le licite, ça veut dire tu fais pas, c'est libre à toi. Par la suite, on a ce qui est interdit, je ne les mentionne pas ici en ordre logique, bien sûr. Ce qui est interdit, ce qui est haram, tu n'as pas le droit de le toucher. Ce qui est obligatoire, le wajib, tu dois le faire, comme les 5 prières. Et par la suite, il nous reste mustahab et makruh. Mustahab, c'est ce que vous êtes encouragé à faire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme, mettons, 2 raka'a après salat al-dhuhr, t'es encouragé à le faire. Si tu le fais pas, est-ce que c'est haram? Non, t'as pas fait quelque chose de mal, mais tu viens de rater une opportunité de gagner des récompenses en plus. Et tu as le makruh. Le makruh, c'est ce que tu es encouragé, selon la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à éviter, sans que ça ne soit quelque chose qui est interdit, sans que ce ne soit quelque chose qui est haram en quelque sorte, comme par exemple, le fait de boire de l'eau en étant debout, voyez-vous, parce que la sunna c'est de boire en étant assis en quelque sorte. Donc ça, ce n'est pas le sujet bien sûr de notre cours, parce que ça c'est un autre cours qui est usul fiqh. Mais on a dû mentionner cette petite introduction pour commencer avec cette section en tant que telle, qui porte sur la classification de la science, de l'ilm, selon ces différentes catégories de jugement. Ça veut dire, il y a de la science qui est obligatoire, il y a de la science qui est mustahab, il y a de la science qui est halal, il y a de la science qui est makruh, il y a de la science qui est haram. Il y a de la science qui est haram, et on va voir, inshallah ta'ala, ces différentes formes, bi'idhnillahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Première chose, il y a de la science qui est obligatoire. Qui pourrait nous dire quelles formes de science sont obligatoires? et nous donner des exemples parce qu'on a déjà parlé de ça. Oui. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous donc, chaque musulman doit connaître son Seigneur. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui que nous adorons subhanahu wa ta'ala. Donc en général, tout ce qui a été mentionné dans la section dans laquelle on a parlé, si je me rappelle bien, c'était la section 1.5, quand on a parlé de l'obligation de la science, ou bien 1.4, et on a parlé des différentes situations dans lesquelles la science est obligatoire. Le musulman, il a l'obligation de l'apprendre. Apprendre les comment faire la prière, les règles de la prière, etc. Donc, la science, elle peut être obligatoire parfois à apprendre. Deuxième chose, deuxième niveau, qui est moindre que l'obligatoire, c'est quoi qui vient après l'obligatoire, logiquement? Mustahab, l'encourager. Ça veut dire ce que tu es encouragé à faire sans que ce ne soit obligatoire. Et ça, ça inclut toute chose qui est bénéfique aux musulmans dans sa vie du bas monde ou bien dans l'au-delà. Ça veut dire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire une science qui pourrait être bénéfique toi dans ta vie de tous les jours à devenir une personne qui est meilleure, tu es encouragé à l'apprendre. Et si tu vas l'apprendre avec la bonne intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va t'en récompenser. Allah subhanahu wa ta'ala va t'en récompenser. Et aussi plus important que ça, toute forme de science religieuse qui touche à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas obligatoire. Voyez-vous donc, si on regarde les sciences reliées à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est soit des sciences qui sont obligatoires à apprendre, ce qui est la minorité, et le reste, ça veut dire la majeure partie des sciences reliées à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont des sciences que tu es fortement encouragé à apprendre, c'est parce que ça te rapproche d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Comme si quelqu'un va dire, moi mon objectif, l'un de mes objectifs dans la vie, ça va être d'étudier Sahih al-Bukhari au complet. Du début jusqu'à la fin, je vais le lire au complet, je vais le comprendre. Je veux comprendre tous les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari. Est-ce que ça c'est obligatoire à faire? Non. Est-ce que c'est recommandé de faire? Oui, si tu le fais, tu vas avoir une grande récompense, Inch'Allah, c'est parce que ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas mieux comprendre ta religion ou bien la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est en général, c'est cette catégorie de science qui va faire la différence entre un musulman qui connaît sa religion et entre un savant. Et entre un alim, ça veut dire le savant, il va s'intéresser, il ne va pas s'arrêter aux sciences qui sont obligatoires, il va passer au plus que ça. Il veut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que telle chose est obligatoire? Pourquoi est-ce qu'on prie de la sorte? C'est quoi le hadith qui nous demande de le faire? Etc, etc, etc. Tandis que le musulman qui est tout simplement intéressé à apprendre ce qui est obligatoire, il va appeler un savant, il va lui dire, est-ce que quand je fais ma prière comme ça, est-ce que c'est valide ou c'est pas valide? C'est valide? Ok, jazakallah khair. Et il raccroche, voyez-vous? Ça y est, il vient de comprendre c'est quoi son obligation devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, qui pourrait nous donner certaines formes, comme ça, certains exemples de sciences qui sont optionnelles dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont encouragées? Nawafil, ok. L'engagement communautaire, mais on parle ici plus en termes de science, ça veut dire apprentissage. On ne parle pas ici d'action, on parle de science. Oui. Science du hadith. Oui, mon frère. Le code de la famille pour une personne, bien sûr, qui n'y est pas engagée. C'est parce que si quelqu'un a une famille, il est censé comprendre c'est quoi le code de la famille en islam. Ça veut dire les droits et les obligations de chaque composante de cette famille. Alaykoum salam. Quoi d'autre? Apprendre comme la science, comme pour le dîn, pour la religion, comme maths, science. Donc il y a aussi des sciences de ce bas monde qui t'aident aussi à comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le frère il a mentionné, comme les maths, n'est-ce pas, le fait d'apprendre les maths. Si tu n'apprends pas les maths, si tu n'apprends, bien sûr on parle ici des bases du maths, des maths, ça veut dire on parle surtout du calcul, etc., etc. Si tu ne comprends rien dans le calcul, dans les maths, tu ne vas pas pouvoir devenir un savant. C'est parce que tu ne vas pas comprendre comment calculer la zakat, voyez-vous comment calculer l'héritage, le mawarit, etc. Tu vas arriver dans ce genre de chapitre, tu vas voir que ça parle de chiffres et de fractions, etc., etc. Tu vas dire que moi, je ne peux pas comprendre. Et aussi, il y a d'autres exemples qui sont beaucoup plus simples, n'est-ce pas, comme l'apprentissage dans le Coran Karim. Si quelqu'un veut dire, moi, je veux devenir un savant qui connaît le Coran par cœur. Je veux connaître le Coran au complet et par cœur, n'est-ce pas? Et je veux connaître le Coran avec ses 10 qira'at, ses 10 récitations. Est-ce que ça c'est obligatoire à faire? Non, mais c'est une chose qui est mustahab. Ça nous aide à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Mais rappelez-vous quelque chose ici, que cette deuxième catégorie, ce deuxième point, cette deuxième forme de la science peut monter parfois et devenir une science qui est obligatoire. Dans quel cas? On a parlé de ça un peu lors de nos dernières séances. Oui, mon frère. Très bien, quoi d'autre? Donc le frère, il vient de nous donner un exemple dans lequel ça devient obligatoire sur la personne. Comme certains ulama, ils disent, si la personne, elle s'engage. Quelqu'un commence à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et il voit qu'il avance vite et que son intelligence va tellement avec ça et qu'il a tous les moyens pour comprendre, etc. Selon certains ulama, il n'a plus le droit d'arrêter. C'est parce que ça, il est sur le bon chemin. Continue, voyez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce dont tu as besoin pour avancer sur ce chemin. Sur ce chemin, tu n'as pas le droit de t'arrêter. C'est parce que la communauté a besoin de toi. Quoi d'autre? Oui. En quelque sorte, voyez-vous, donc ici, s'il y a un besoin, s'il y a un besoin dans la communauté, il y a une lacune dans une certaine zone, les gens ils vont dire, par exemple, dans notre ville, il n'y a personne qui connaît le Coran au complet. On n'a pas de quelqu'un qui est un hafid de Al-Qur'an, Al-Karim. À chaque fois qu'il y a le mois de Ramadan, Tarawih, on doit ramener quelqu'un de l'extérieur. On n'a pas quelqu'un pour nous enseigner nos enfants, etc., etc. C'est obligatoire pour eux dans ce cas. Dans ce cas-là, que au moins une ou deux personnes ou bien un nombre suffisant de personnes vont se consacrer à apprendre le Coran al-Karim au complet. Et là, bien sûr, cette obligation, en général, elle tombe sur tout le monde, mais plus spécifiquement, elle va toucher chaque personne selon ses conditions. Ça veut dire que le riche va être plus concerné que le pauvre. C'est parce que le pauvre, il peut dire, moi, je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre le Coran Karim, parce que je n'ai même pas le temps d'aller, je dois me chercher en quelque sorte, j'ai des dettes à rembourser, je dois nourrir mes enfants, etc. Tandis que le riche, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout donné, comme ça, il a gagné un héritage de son père, n'est-ce pas? Il a une grande maison, comme ça, il n'a pas à travailler beaucoup, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne plus d'espace pour pouvoir, en quelque sorte, accomplir cette responsabilité. Celui qui connaît l'arabe va être plus responsable que celui qui ne connaît pas l'arabe. Celui qui connaît la moitié du Coran Karim déjà va être plus responsable que celui qui ne connaît que quelques versets. C'est parce qu'il est déjà à mi-chemin. Donc il est plus concerné à continuer son chemin, à prendre le Coran Karim pour en quelque sorte faire face à cette lacune. Est-ce que c'est clair? Non. Très bien. Oui. Et comme on a déjà encore une fois mentionné, il y a certaines formes de sciences qui sont reliées à ce bas monde, et qui font en sorte aussi que parfois c'est une obligation sur certaines personnes de les apprendre. Comme on l'a mentionné, comme s'il y a dans une ville, un village, une communauté musulmane dans laquelle il n'y a pas de médecin. Ils ont besoin de médecins, donc ça devient fardou kifaya. L'un d'entre eux ou bien un nombre suffisant doivent se consacrer à ce domaine qui est obligatoire et qui est nécessaire dans la vie de tous les jours. Et c'est bien sûr en sachant, parce que comme je le mentionne à chaque fois, ce séminaire, bien sûr, c'est un séminaire sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un séminaire de développement personnel, voyez-vous. On parle des héritiers des prophètes, ça veut dire des savants qui connaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Sauf que comme on l'a déjà mentionné et on le répète, tout ce qu'on mentionne ici va vous être très bénéfique, même dans vos études universitaires, ça veut dire les études de ce bas monde, dans vos propres spécialités. Vous allez voir, inshallah ta'ala, quand on va parler de l'éthique, de la connaissance, etc., c'est des choses que vous pouvez prendre, extrapoler et appliquer à votre domaine de spécialisation. On n'a pas, bien sûr, on ne peut pas mentionner des exemples comme ça sur la religion et sur les ingénieurs et les médecins, etc. C'est un séminaire sur la religion en tant que telle. C'est parce que c'est ça notre priorité, c'est ça la raison pour laquelle on est aujourd'hui. Mais un petit conseil ici, un petit détail à mentionner sur ce point-là. En étant conscient que c'est une obligation sur la communauté musulmane de faire en sorte qu'il y ait un nombre de personnes suffisantes qui va toujours couvrir certains domaines qui sont essentiels de la vie, c'est important pour nous, n'est-ce pas? Et surtout pour toute personne qui est encore dans ses études, de prendre ça en considération quand vous allez choisir votre domaine de spécialité, voyez-vous? Surtout les gens ici, les personnes qui viennent du Maghreb, n'est-ce pas, des pays du Maghreb. Tout le monde veut être soit, c'est quoi? Médecin, ingénieur, avocat. Médecin, ingénieur, avocat. Médecin, ingénieur, avocat. Voyez-vous, c'est les trois choses. Si t'es pas un ou deux ou trois, t'es quelqu'un qui a échoué dans sa vie, voyez-vous? Alors ça, c'est faux. Alors que ça, c'est faux. Et on ne peut pas faire en sorte que toute la communauté va être des médecins, des ingénieurs et des avocats. C'est parce que c'est qui va être un commerçant, n'est-ce pas? Et un entrepreneur pour commencer des entreprises. C'est qui va se spécialiser dans le domaine, par exemple, du travail social pour faire face aux problèmes que nous avons dans les familles, etc., etc. Donc, vous voyez, les exemples sont multiples, mais c'est important de prendre ça en considération. C'est parce qu'il doit y avoir une complémentarité au sein de la Ummah du prophète, alayhi salatu wassalam. Niveau numéro 3. Les formes de science maintenant qui sont halal, qui sont licites. On a l'obligatoire, on a l'optionnel qui est encouragé, et par la suite nous avons des sciences qui sont licites. Et ici on parle de toute science qui n'est pas néfaste, qui n'est pas néfaste pour ta religion ou bien pour ta vie du bas monde. Ça devient une science qui est licite. Ça veut dire ni tu as de la récompense en étudiant une telle science, ni tu seras responsable devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Comme par exemple, n'est-ce pas, le fait d'apprendre comment cuisiner, n'est-ce pas? Cuisiner en plus, surtout si quelqu'un, il peut manger, etc. Il veut apprendre comment faire des plats comme ça en plus et trouver en quelque sorte des menus qui sont spéciaux et quelque chose de nouveau, etc. Est-ce que ça, c'est une science qui est haram? Non. Est-ce que c'est une science qui est obligatoire? Non. Est-ce que c'est mustahab? Tu vas avoir plus de iman quand tu vas apprendre à faire de nouveaux plats? Non. Voyez-vous, c'est le type de le forme de science qui sont halal. Ça veut dire que ça fait partie en quelque sorte du divertissement qui est halal de cette vie du bas monde. Oui. Juste pour ce qui est de mustahab, maintenant pour une science du bas monde, si cette science, on le fait avec une bonne intention pour satisfaire Allah, là on a des récompenses. Mais si on le fait seulement comme ça, quelqu'un qui il étudie, mais pour lui il veut juste vivre avec la job. Non. Est-ce que là il a des récompenses en étudiant cette science? Oui. Le frère il dit, si une personne étudie une science de ce bas monde, voyez-vous, sans avoir d'intention, ça veut dire son intention c'est d'étudier, d'avoir son diplôme comme tout le monde et de suivre en quelque sorte le courant, voyez-vous, donc la personne ici ne sera pas récompensée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va être responsable, c'est pas haram, mais elle va perdre une occasion ici de gagner une récompense. C'est bien que tu as posé cette question, c'est parce que ces sciences-là ici, une science comme ça de ce bas monde, à la base normalement elle est halal. Nous on l'a fait introduire dans la deuxième catégorie ici, dans le deuxième niveau qui est le mustahab, en regardant en regardant d'un autre angle, ça veut dire son avantage pour la communauté, pour les musulmans, pour les musulmines en général, le fait que ça, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, normalement c'est quelque chose qui est encouragé, quelque chose qui est encouragé à apprendre tant que ce n'est pas contraire à ta religion. Mais si quelqu'un le fait sans intention, ça veut dire il n'a pas cette intention, lui qui va étudier mettant la médecine pour être bénéfique à la communauté, aux gens, etc. Il étudie parce qu'il veut étudier, se faire de l'argent, se faire comme ça beaucoup d'argent, devenir connu, etc. Il ne sera pas peut-être récompensé pour une telle chose qu'il va faire. C'est pour ça que c'est important pour le musulman toujours de réviser, c'est de toujours faire la révision en quelque sorte de ses intentions. Le meilleur que et le plus pur que tes intentions sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, tes 7 ou bien tes 6 ou bien tes 5 années que tu vas entre guillemets comme ça perdre à étudier à l'université, ça va devenir quelque chose aussi que tu es en train de faire en tant que ibada auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas gagner dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est clair? Non. Et bien sûr, l'intention, ça doit être sincère. Voyez-vous, il y a ikhlas, il y a aussi asidr. Parce que les prétentions, tout le monde les dit. Chaque personne va prétendre. Il y en a qui vont te dire, moi je veux devenir un médecin, inshallah. Je veux devenir un médecin, inshallah. Comme ça, je vais avoir beaucoup d'argent, inshallah. Je vais donner beaucoup d'argent, fi sabilillah. Et je vais aider les gens pour Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Ça, c'est des prétentions. Le jour où il devient médecin, il oublie tout ça. Je te parle pour une minute, tu me payes, le cash, voyez-vous? Je suis un médecin, tu me payes. Pour donner à, j'ai pas vraiment d'argent, c'est parce que je dois économiser encore pour acheter ma grande maison, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Si la personne est vraiment sincère, sa priorité c'est d'étudier ses sciences pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, deuxième niveau, pour te faire de l'argent, pour vivre une vie qui est aisée, etc. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser, incha'Allah ta'ala. Taïb, le niveau, oui. Non, il n'y a pas de mal en tant que tel, mais ça, si vous me rappelez la question à la fin, inshallah ta'ala, je vais vous détailler la réponse, inshallah. Mais il n'y a pas de mal à apprendre une chose qui est pareille. Non. Numéro 4. Le quatrième niveau, c'est quand on parle ici d'une science qui est makruh. Ça veut dire qui est makruha ou bien qui est détestable. Ça veut dire qui n'est pas encouragé. Tu es encouragé à ne pas l'apprendre. Ce n'est pas toujours nécessairement quelque chose qui est haram. Et ici, on parle de quelque chose qui consomme de tes ressources, n'est-ce pas? C'est une science qui consomme beaucoup de tes ressources, n'est-ce pas? Et qui ne te ramène aucun bénéfice dans cette vie du bas monde, ni dans l'au-delà. Voyez-vous? Parce que quand on parlait au niveau 3 de ce qui est halal, n'est-ce pas? Apprendre à cuisiner, ce n'est pas quelque chose qui va consommer vraiment de tes ressources, n'est-ce pas? Et tu vas prendre un petit profit comme ça pour cette vie du bas monde, tu vas bien te régaler, etc. Mais c'est fini, voyez-vous? Mais ici, on parle de quelque chose qui n'a aucun bénéfice pour toi, ni dans cette vie du bas monde, ni dans l'au-delà, et qui va grandement prendre de tes ressources, ça veut dire de ta concentration, etc. Là, ça devient quelque chose qui est makruh, qui est détestable à apprendre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, parfois, des choses qui sont reliées à des questions de religion. Voyez-vous, on va parler de ça un peu plus en détail, un peu plus tard, inshallah wa ta'ala. Si on va prendre l'histoire de Ashabu al-Kahf, n'est-ce pas? L'histoire de Ashab al-Kahf qui est mentionnée dans Surat al-Kahf, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeunes comme ça qui se sont réfugiés auprès de la grotte, etc. et qui avaient un chien avec eux. Et il y a dans certains livres de tafsir comme ça, d'exégèse du Coran, ils vont faire des pages et des pages et des pages avec plein de narrations comme ça. Ce n'est pas des hadiths, c'est des narrations de Banu Israël, n'est-ce pas, des Israélites, n'est-ce pas, l'Israéliyat. Et on va vous parler de la couleur de ce chien. C'était de quelle couleur, voyez-vous? Donc si quelqu'un il va prendre ça comme il va être concentré sur ça, ça va être son sujet d'intérêt. C'était quoi la couleur du chien de Ashab al-Kahf? Il va commencer à faire des recherches et comparer entre toutes ces narrations de Israéliettes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est bénéfique? Est-ce que ça va t'aider à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu vas découvrir c'est quoi la couleur de ce chien? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette histoire qui est mentionnée dans le Coran al-Karim, sans nous mentionner, c'était quoi? La couleur du chien. Ça veut dire l'essentiel de l'histoire est dans le Coran et le bénéfice se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire dans les leçons à tirer d'une telle histoire. Alors si quelqu'un va se détourner du but ultime de cette histoire, qui est les leçons qui y sont mentionnées, et il va se tourner vers la couleur du chien, qu'est-ce qui va arriver? Il est en train de consommer ses ressources que normalement il garde pour Allah subhanahu wa ta'ala dans quelque chose qui est complètement et pleinement inutile. Ça devient une science qui est détestable en quelque sorte. En général, c'est toute chose comme ça, surtout quand on parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important parce que parfois quand on parle de certaines formes de science dans cette vie du bas monde, comme on a dit, si quelqu'un il est vraiment là pris avec l'art culinaire, il veut toujours apprendre de nouvelles recettes, etc. Oui, ça consomme de ses ressources, etc. Ça peut devenir makruh s'il en abuse, mais il sait au moins qu'il est en train de faire quelque chose pour la dunya. Le problème, c'est quand il y a des personnes, parfois, ils s'imaginent qu'ils sont en train d'étudier leur religion, voyez-vous, il va te dire je suis en train d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est en train de s'intéresser à quelque chose qui ne le regarde pas, qui ne va pas lui être bénéfique ni dans ce bas-monde, ni dans l'au-delà. Ça veut dire à chaque fois que tu étudies quelque chose qui est relié à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as une question comme ça, demande-toi, est-ce que si je vais connaître cette information, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me questionner sur ça le jour du jugement ou non? Ça veut dire, est-ce que le jour du jugement, si je vais retrouver Allah subhanahu wa ta'ala et que dans ce bas-monde j'avais connu la couleur du chien de Ashab al-Kahf, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de moi le jour du jugement? Voyez-vous? Non. Ça ne te rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une science qui est, en quelque sorte, qui est complètement inutile. Et aussi, nous avons le hadith du prophète alayhi salatu wasalam qui nous dit « Min husni islami al-mar'i تركه ما لا يعنيه. Il a dit, عليه الصلاة والسلام, ça fait partie de la bonne pratique de l'islam d'une personne en particulier, le fait qu'elle ne donne pas d'accord, qu'elle n'accorde pas d'importance à ceux qui ne la regardent pas, à ceux qui ne l'aident pas. Ça veut dire auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, ça inclut les questions de la religion, comme on vient de le mentionner. Ça inclut aussi les questions de ce bas monde, parfois qui sont inutiles, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Je m'excuse comme ça, surtout pour les sœurs, voyez-vous, qui se parlent beaucoup comme ça au téléphone et sur Internet, etc. C'est parce que, il y a, tout comme il y a des failles comme ça qui caractérisent les frères, il y a d'autres failles qui caractérisent les sœurs, n'est-ce pas? La question de ce que les autres sont en train de faire. Ah, elle vient de se marier. Ah, il paraît qu'elle va faire. Ah, il paraît qu'elle va faire. Est-ce que tu sais, est-ce qu'elle a trouvé un travail? Et est-ce qu'elle va changer son travail? Et elle gagne combien par année? Etc, etc. Est-ce que ça, c'est une science qui nous est bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Là, on est en train de consommer nos ressources. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, une fois, il y a l'un de ses, comme ça, pas un élève, mais il y a comme ça quelqu'un qui est venu à sa mosquée. Il lui a dit, ya imam, kam umruk? Tu as quel âge? Il a demandé Imam Malik rahimahullah, il a dit, tu as quel âge? Alors Imam Malik rahimahullah ta'ala, il a dit, haddathana fulan an fulan an fulan, toute la chaîne de narration comme ça, an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni, que ça fait partie de la bonne pratique de la personne en islam, le fait qu'elle n'accorde pas d'importance aux choses qui ne la regardent pas. Ça veut dire, moi je suis Imam Malik, je suis un savant. La seule chose qui me relie à toi, c'est que j'ai l'obligation de t'apprendre ta religion. Maintenant, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas mon père, ni mon frère. Alors, mon âge, ce n'est pas quelque chose qui te regarde. Voyez-vous, donc, ici, le fait, parfois, qu'il y ait des personnes qui ont cette tendance à toujours vouloir s'intéresser à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, comme ça, ça va te faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala, et ça devient une science qui est makrouh en quelque sorte. Oui. Avec certaines conditions. Le frère, il dit, si la personne, elle va étudier les livres de certaines sectes pour pouvoir les réfuter, est-ce que c'est quelque chose qui est haram? C'est haram si la personne n'est pas qualifiée à le faire. Ça veut dire, pour que la personne puisse s'intéresser aux sectes qui sont égarées, les différentes sectes comme ça, Khawarij, Mu'tazila, telle chose, elle doit avant tout connaître bien ça. Croyant selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Sinon tu vas être perdu. Tu vas lire, à chaque fois que tu vas lire le livre d'une secte, tu vas dire c'est ça la vérité. C'est convaincant. Tu vas lire un autre livre, tu vas dire mais ça aussi c'est convaincant. Et l'autre, et l'autre, et l'autre. Voyez-vous, si tu n'es pas déjà équipé en quelque sorte, tu ne peux pas faire face et tu ne peux pas réfuter pour toi-même sans parler des autres en quelque sorte. Maintenant, si la personne, elle est qualifiée pour le faire, elle est qualifiée pour le faire, alors oui, c'est quelque chose qui est licite et parfois encouragé, mais ça peut devenir aussi quelque chose qui est makrouh si ça dépasse les limites. Ça veut dire, et écrivez cette règle, c'est très important, même si elle n'est pas directement reliée à notre cours en tant que tel. La règle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'intéresser à connaître le chemin de la guider. Ça veut dire le chemin du bien, voyez-vous. Et l'exception, ça veut dire quelque chose qui vient derrière pour aider, qui est au niveau secondaire, c'est d'apprendre l'égarement pour pouvoir l'éviter. Voyez-vous, la règle, encore une fois, ça veut dire, parfois tu vas t'intéresser à l'égarement, au mauvais chemin, tu veux te dire, moi je veux savoir c'est quoi les mauvaises choses qui arrivent de nos jours, pour pouvoir m'en préserver. Et parfois tu vas t'intéresser à apprendre le bien. Tu vas dire, moi je veux apprendre les bonnes pratiques qui me font avancer dans ma vie, voyez-vous. Logiquement, comme ça, une personne qui est censée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de sa priorité l'apprentissage du bien, ce qui te fait avancer, soit dans ta vie du bas monde ou bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de façon secondaire comme ça, il va apprendre c'est quoi? Le mal. C'est parce que si quelqu'un va dire comme ça, sans même parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un va dire, moi je veux savoir c'est quoi le mal qui existe dans ma société pour pouvoir m'en protéger, et il va mettre 90% de son temps à apprendre c'est quoi le mal qui existe dans sa société, il va devenir un criminel, c'est aussi simple que ça. Voyez-vous, c'est un criminel expert. Il va tout savoir sur toutes les formes de crimes, voyez-vous. Alors dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Il y a des personnes aussi, c'est pour ça que je m'étale un peu sur cette réponse, c'est bien que le frère nous a rappelé ce point. Il y a des frères, comme ça, des sœurs, bien sûr, qui pensent que apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est connaître c'est qui les personnes qui sont égarées. Lui, est-ce qu'il est égaré ou non? Et l'autre, est-ce qu'il est égaré ou non? Et l'autre, est-ce qu'il est égaré et telle chose? Ah, il paraît que lui, il vient de répliquer à l'autre. Et l'autre, il vient de faire le takfir de l'autre. Et l'autre, il a dit que l'autre, c'est un innovateur. Et il passe 5 heures par jour, comme ça, sur Internet, à essayer de découvrir c'est qui est innovateur, c'est qui est égaré, etc., etc. Est-ce que ça, c'est apprendre l'égarement ou apprendre le bien? C'est apprendre l'égarement, voyez-vous. Donc ça, en tant que tel, c'est apprendre l'égarement. Si tu vas mettre la majorité de ton temps à te concentrer sur ce genre de questions, est-ce que ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, tu vas voir qu'à la langue, tu vas voir un cœur qui est malade toi-même. Tu penses que tu es en train d'apprendre la religion et tu vas voir que ça va te corrompre de plus en plus. C'est parce que tout ce que tu connais dans ton cœur, c'est quoi? C'est la haine. Tu regardes les gens toujours avec la méfiance, comme ça. Ah, toi, peut-être, je pourrais que tu sois un égaré. Et l'autre, voyez-vous? Alors que si tu avais donné la majorité de ton temps à prendre la guidée, n'est-ce pas? C'est quoi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi la bonne croyance à avoir? Qu'est-ce qu'il approuve? C'est quoi les versets qu'il approuve? C'est quoi les hadiths qu'il approuve? C'était qui les sahaba du prophète, alayhi salatu wasalam? C'était qui les pieux ancêtres, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils vivaient dans leur vie de tous les jours, leur adoration, etc., etc. Ça, à la langue, ça va construire à l'intérieur de toi-même une immunité. Ça y est, tu es déjà immunisé. S'il y a un égarement qui te touche, toi déjà de loin, tu vas le repousser parce que ça y est. De façon qui est naturelle, tu connais c'est quoi le chemin du bien, donc toute chose qui est contraire à ça, tu vas complètement l'écarter de ton chemin. Oui. La phrase, la première, la règle qu'on avait mentionnée, oui, c'est que la règle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la priorité, c'est de s'intéresser à apprendre le chemin du bien, le chemin de la guidée, ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exception, ça veut dire ton intérêt secondaire devrait être de connaître le mal pour pouvoir l'éviter. Mais ça doit être une chose qui est au niveau, qui est au plan secondaire. Ça va marcher derrière toi. Ce n'est pas quelque chose qui est à, en quelque sorte, ton souci principal dans cette vie. Oui. Ici, on apprend comme les livres comme des chrétiens d'Égypte, comme la théologie, la comparaison des religions. Est-ce que ça fait partie de quelle classification? C'est la même chose qu'on vient de répondre au frère. C'est exactement la même chose. Ça veut dire, à la règle, ce n'est pas quelque chose qui est licite à faire, surtout si la personne n'est pas qualifiée. Surtout si la personne n'est pas qualifiée, voyez-vous. Et ça, encore une fois, je sais que j'ouvre des parenthèses comme ça, mais pas de problème. Notre but, bien sûr, notre objectif, ce n'est pas nécessairement juste de couvrir la matière comme ça de façon académique, c'est d'apprendre, de toucher à certains sujets qui sont pratiques et qui vous seront bénéfiques, inshallah, dans votre vie de tous les jours. Pour les personnes qui se disent, moi j'aimerais bien, n'est-ce pas, pour bien faire la da'wa, etc., je veux comparer l'islam aux autres religions. Comme ça, je vais répondre aux autres. C'est bien, ton intention est bonne, voyez-vous. Mais la question ici, est-ce que tu es qualifié à le faire ou bien tu n'es pas qualifié. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture. Il vient d'avoir son examen de conduite hier, voyez-vous. Et il vient d'acheter sa voiture. Il a une seule voiture. C'est la seule voiture qu'il a conduite dans sa vie. Et après ça, il va se dire, ah, moi, je vais ouvrir maintenant, je vais ouvrir comme ça un site de comparaison des voitures. À chaque jour, je vais essayer une nouvelle voiture, comme ça, je vais la comparer. Dire est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, etc., n'est-ce pas? La conduite, n'est-ce pas? Les freins, etc. Est-ce que ça, c'est censé? Tu vas comparer à quoi? Toi, tu es quelqu'un qui vient de commencer à conduire. Tu n'as pas un aperçu qui est large des différentes voitures, de l'expérience avec elles, etc., etc. Si tu étais qualifié, oui, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas qualifié, tu vas dire des choses qui n'ont pas de sens. Voyez-vous, donc, à la règle, non, tu dois t'intéresser à apprendre ta religion, pas à perdre ton temps à comparer avec les différentes philosophies et croyances, etc., etc. Maintenant, si une personne connaît sa religion très bien, elle est bien enracinée dans la croyance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que par la suite, elle veut se spécialiser dans un domaine qui est important, qui est la comparaison avec les autres religions, pour qu'elle soit très qualifiée à faire face, n'est-ce pas, à faire la da'wa, etc., etc. Là, ça devient quelque chose qui est encouragé. C'est clair? Non. Taïb, on passe au cinquième niveau qui est, selon vous, c'est quoi? Al-haram, l'interdit. Ça veut dire les formes de science qui sont interdites, qu'on ne devrait pas apprendre selon la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça touche, première chose, à toute science qui nous apprend à faire à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. À toute science qui nous rapproche de la désobéissance d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Comme les savants, par exemple, quand ils ont parlé de la magie, ils ont dit que c'était interdit. L'interdiction d'apprendre la magie. Pas tout seulement de pratiquer la magie qui est interdite, c'est aussi d'apprendre. Le fait d'apprendre al-sihr, ta'allum al-sihr, c'est quelque chose qui est interdite. Quelqu'un va dire, moi je veux juste m'intéresser. Ces magiciens, n'est-ce pas, on ne parle pas ici des magiciens qui font ça, n'est-ce pas, ceux qui font à la télé, etc. Ils vont te faire entrer comme ça quelque chose et ils la sortent de l'autre côté. Ça, c'est rien du tout, n'est-ce pas. C'est une technique qu'ils apprennent. On parle de la magie, ça veut dire la vraie magie qui est al-sihr. Ça veut dire celle qu'il y a un sihr qui fonctionne avec les djinns, etc., etc. et qui peut faire du mal par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres personnes, etc. Quelqu'un pourrait dire, moi je veux juste l'apprendre. Je suis curieux, je veux m'intéresser comment ça fonctionne. Tu vas commencer à l'apprendre et par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas dire, ah, j'ai une nouvelle arme dans ma main. Peut-être que je devrais l'utiliser contre lui, contre elle, et contre lui, et contre elle, et tu vas tomber dans al-sihr en tant que tel, qui est bien sûr l'un des péchés qui sont majeurs dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit, c'est comme l'apprentissage de, ça inclut l'apprentissage de toute forme, en quelque sorte, de toute science qui te rapproche de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si quelqu'un va dire, moi je suis intéressé à apprendre comment est-ce qu'on vole les cartes de crédit, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on vole les numéros de cartes de crédit, on le fait comment? Et il va commencer à s'intéresser à ça. Il va se dire, moi, mon seul objectif, c'est de l'apprendre. Je ne vais rien faire. Lakin, en l'apprenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te rapproches d'une action qui est haram. Et un jour ou l'autre, le shaitan, il va te dire, tu es prêt, tu as toutes les ressources. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Ça va t'aider dans cette vie du bas monde à gagner du bien. Et aussi, une autre science qui est haram, une autre forme de science qui est haram, c'est al-ittila'u ala awratin nas. C'est de s'intéresser aux affaires des autres qui ne nous regardent pas, mais si on parle des affaires cachées. Parce que quand on parlait du macro, on parlait des affaires qui sont apparentes. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui il a un problème, il s'intéresse à ce que tous ses voisins sont en train de faire. N'est-ce pas? Comme ça, toute la journée passe son temps devant la fenêtre. Lui, il est entré. Lui, il est sorti. Lui, il arrive à chaque jour à 5 heures. Aujourd'hui, il est arrivé à 5h05, etc. Ça, c'est makro. Voyez-vous, c'est parce que tu t'intéresses à des choses qui ne te regardent pas et qui sont apparentes. Mais ça peut devenir haram quand la personne commence à s'intéresser à ce qui est caché. Ça veut dire à la vie privée des personnes, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum » Ba'da, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de faire l'espionnage. Tu ne peux pas espionner sur la vie des autres. Ça veut dire s'il y a des choses, des informations personnelles que les gens veulent cacher, veulent garder à eux-mêmes, si toi tu vas t'intéresser maintenant à essayer de trouver un chemin pour accéder à l'intérieur, pour apprendre ces informations, ça c'est un ilm qui est haram. C'est une connaissance qui est interdite à apprendre selon la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vas-y, frère. En fait, j'ai une question. Oui. Par exemple, je prends un exemple. Supposons qu'il y a, par exemple, un couple, donc une femme et un homme. En fait, par exemple, la femme qui doute de l'homme concernant comme une affaire, comme en particulier, ou le contraire. Non. Oui. Non. L'espionnage dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous toutes ses formes, est haram. C'est interdit d'espionner sur ton frère en islam, même si tu as des doutes, etc., etc., etc. Sauf bien sûr des choses qui touchent à quand on parle. Aulia ou l'umour, ça veut dire si on parle ici au niveau d'un gouvernement, etc., ça c'est autre chose, dans la prévention des crimes, etc. Mais à l'intérieur d'une famille, etc., on n'a pas le droit d'espionner, ni la femme sur son époux, ni l'époux sur sa femme. Même si on a seulement des doutes comme ça, doute toujours, il doit partir avec husnu al-dhan, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'obligatoire de toujours penser du bien de nos frères et de nos sœurs en islam. Non. On a dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tajassasu, wala tajassasu. L'espionnage est interdit. Bien sûr, il y a des exceptions, comme par exemple un père ou bien une mère qui veut voir qu'est-ce que ses enfants qui ne sont pas encore majeurs sont en train de faire. Ça, c'est autre chose. C'est parce que là, c'est des personnes qui sont sous sa pleine responsabilité et pleine tutelle et qui ne sont pas indépendants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est autre chose. Mais si on parle, par exemple, dans le cadre d'une relation de couple, et je vais vous donner un exemple sur ça, même si je n'ai pas le hadith parce que ce n'était pas bien sûr prévu, alors je n'ai pas ramené le hadith en tant que tel, je peux vous le ramener une autre fois, inshallah ta'ala. Si je me rappelle bien, le hadith, il est dans Sahih ibn Khuzaymah, n'est-ce pas, Imam ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il le mentionne, qu'il y a un homme, n'est-ce pas, il y a un homme qui est revenu une fois d'un voyage et qui est entré à sa maison et il a visité sa femme lors de la nuit. Alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a défendu de le faire. Il a dit, alayhi salatu wasalam, comme dans le hadith, que si une personne, n'est-ce pas, si quelqu'un revient sans prévenir et il revient la nuit, si un homme, un mari part en voyage et qu'il revient après quelques jours de façon soudaine comme ça et il revient la nuit, alors il ne devrait pas entrer à l'intérieur sans prévenir. C'est parce que peut-être que la personne ne sera pas préparé, etc., etc. Et il y a dans une autre narration qu'il y a un homme, une fois, il est entré comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas respecté cet ordre du prophète, alayhi salatu wasalam, et il a trouvé son épouse qui commettait une désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le prophète, alayhi salatu wasalam, l'a blâmé même lui. L'a blâmé même lui, c'est parce que lui, il n'a pas fait, en quelque sorte, il n'a pas obéi à l'ordre du prophète, alayhi salatu wasalam. Comme j'ai dit, je n'ai pas le hadith comme ça en tête, c'est parce que ça fait quelques temps que je l'avais lu. Non. Vous avez une question? Oui. Pour ce qui est de l'espionnage, oui. Taïb, on va sortir de ce sujet, Inch'Allah, c'est parce que ça ne va plus finir, Inch'Allah, Ta'ala, parce qu'on doit terminer avec le contenu en tant que tel, c'est parce que le sujet, ce n'est pas l'espionnage. On pourra faire une autre, Inch'Allah, Ta'ala, on peut faire toute une conférence sur le sujet de l'espionnage, ramener tous les hadiths et ce que les savants ils ont dit, etc., etc. Taïb. On passe à la prochaine section. Donc ici, on a parlé de la classification de la science, ça veut dire de l'ilm, selon ses différents niveaux d'importance. Maintenant, on va parler de la classification de l'ilm selon son contenu. Ça veut dire l'ilm, en tant que tel, la science, peut prendre la forme d'une science qui est une science religieuse ou bien une science qui est une science de al-hayat al-dunya, ça veut dire une science de la vie du bas-monde. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la science religieuse, elle existe fondamentalement pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa principale raison d'existence, c'est ton bien dans l'au-delà. Et par la suite, ton bien dans ce bas-monde, voyez-vous? Tandis que la science du bas-monde, al-ilmu al-dunyawi, c'est quelque chose qui existe principalement pour cette vie du bas-monde. Ça veut dire que c'est quelque chose de temporaire qui t'aide à passer une vie qui est temporaire. Et parce que aussi, habituellement, son avantage, son bénéfice est plus concret. C'est quelque chose que tu vois directement. Et on peut, si tu veux savoir c'est quoi, est-ce que cette science en particulier, ça fait partie de l'ilm dunyawi ou bien l'ilm ad-dini, ça veut dire que ça fait partie des sciences de la religion ou bien des sciences du bas-monde, je peux vous donner comme ça un bon exercice à faire pour comparer ça. Tu vas te dire, cette science-là, si on va proposer à une autre personne qui n'est pas musulmane de l'étudier, est-ce qu'elle serait intéressée ou non? Voyez-vous? La médecine, est-ce que les non-musulmans s'intéressent à la médecine? Oui, tout comme les musulmans s'y intéressent. Ça indique que c'est une science qui fait partie de al-hayat al-dunya, ça fait partie de al-ilm al-dunyawi. Apprendre le Coran et lire le tafsir de l'Al-Qur'an al-Karim, habituellement, est-ce qu'une personne qui n'est pas musulmane et qui n'est pas intéressée par l'islam, qui n'est pas intéressée à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., est-ce qu'elle va être intéressée par une telle science? Non. Non. Voyez-vous, donc, son avantage, même si la personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala connaît c'est quoi son avantage, mais ce n'est pas un avantage que un nefs va voir directement comme ça. Ah, je vais gagner de l'argent en apprenant le Coran Karim. Je vais avoir telle chose. Là, voyez-vous, c'est parce que son principal objectif et raison d'existence, c'est une science pour l'au-delà et par la suite une science qui va nous être bénéfique aussi dans la vie de ce bas monde. Et ici, ce qui est très important à mentionner, c'est que tous les textes qu'on a mentionnés à la première et deuxième section du premier chapitre, ça veut dire les mérites de la science selon le Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, nous parlent principalement de quelle forme de science? La science religieuse, voyez-vous, la science religieuse. Même s'il y en a qui n'aiment pas ça, qu'on dit ça, mais c'est la vérité. Voyez-vous, c'est la vérité, ce qui n'exclut pas l'importance des sciences du bas-monde. On a déjà parlé, on a dit que même parfois ça devient des sciences qui sont obligatoires. Mais quand on parle de la science qui est l'héritage des prophètes, n'est-ce pas? Est-ce que l'informatique c'est l'héritage des prophètes? Est-ce qu'en devenant un expert en informatique, tu vas être un héritage, tu fais partie des héritiers des prophètes? Là, voyez-vous, ce n'est pas censé. Donc, c'est quelque chose qui est très clair. C'est parce que ça s'appelle Warathatu al-Anbiya ou Mirathu al-Anbiya. C'est l'héritage des prophètes en tant que tel. Et c'est parce que de deux, la science, je suis ici en train de donner en quelque sorte les arguments, les preuves qui nous prouvent que les textes qui nous parlent des mérites de la connaissance sont les textes qui nous parlent de la connaissance religieuse. Ça veut dire qu'ils parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première chose, comme on l'a mentionné, si quelqu'un il te dit: mon frère, moi je vais à l'université maintenant. Je vais étudier pour préparer mon examen d'informatique ou bien de chimie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: tout celui qui emprunte un chemin vers une science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Salam alaykoum, je me dirige vers le paradis. Toi tu vas lui dire: faux mon frère. Si tu le fais pour une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser, il n'y a pas de doute. Mais d'appliquer ça sur ce hadith, c'est faux. Il va te dire pourquoi c'est faux. Il a dit, allez, ça, tout ça, la science. Toi, tu vas lui dire, c'est la science religieuse. Il va te dire, mais c'est quoi tes arguments, c'est quoi la preuve? Tu vas lui répondre, première chose, tu vas lui dire, c'est parce que les savants sont les héritiers des prophètes, voyez-vous. On parle ici de l'héritage des prophètes en tant que tel. Numéro 2, c'est parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » que certes, ce sont les savants qui ont vraiment la crainte, la khashiyah d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ici, si on va appliquer, est-ce que les sciences de ce bas monde, à elles seules, te donnent la khashiyah d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'en apprenant l'informatique, tu vas dire, mon iman aujourd'hui, il a boosté comme ça, il est monté, n'est-ce pas? J'ai eu les larmes aux yeux parce que j'étais en train de, n'est-ce pas, d'apprendre une nouvelle forme de programmer, etc. Non, voyez-vous, donc, ce n'est pas quelque chose qui, à elle seule, va te donner la khashiyya d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple qu'on peut citer pour ça, c'est quoi? C'est, il y a des personnes, subhanallah, même si, bien sûr, si la personne, quelqu'un qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, il va voir les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en toute chose dans la création, voyez-vous. Donc, quelqu'un qui est un médecin, mais qui avec ça, il a la science religieuse, il connaît sa croyance, il lit le Coran, etc. Même dans sa médecine, il va voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le corps de l'être humain, etc., etc. Mais il y a des personnes, n'est-ce pas, il y a des personnes qui sont montées sur la lune, qui sont sorties de la planète, etc., etc. Ça ne leur a rien accordé en tant que khashiyah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont montés, ils sont revenus, c'est la même chose. On dit, on a vu des étoiles, des planètes, etc. Est-ce qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala? Là. Et même si c'est une science qui va te pousser à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te prendre beaucoup plus longtemps. J'étais en train de lire une fois, sur un journal comme ça, il parlait d'une personne qui était, c'était quelqu'un de physicien comme ça, qui était spécialiste en astronomie. C'était quelqu'un, une personne qui était vraiment comme, ça fait partie des experts. Ça veut dire, il est dans le domaine, ils ont dit, je pense, depuis 50 ans ou quelque chose. Et il a maintenant 70 ou bien 80 ans. Il a dit, après 50 ou 60 ans d'études dans ce domaine, maintenant je suis convaincu que Dieu existe. Je suis convaincu que Dieu existe, qu'il y a un créateur dans cet univers. Et ça, c'est bien, alhamdoulilah. C'est une bonne conclusion que ça lui a accordé. Mais ça a pris combien de temps avant qu'il n'arrive à une telle conclusion? Toute une vie. Maintenant, ça va lui prendre combien de temps? Qu'est-ce qui lui reste de sa vie pour apprendre maintenant à chercher? C'est quoi la bonne religion de ce Dieu qui existe, de ce Créateur? Il a envoyé, c'est quoi? Tout le monde dit maintenant, ça c'est la religion de Dieu, la religion de Dieu. C'est où cette bonne religion? Et après ça, une fois qu'il va la découvrir, ça va lui prendre combien de temps pour commencer à la pratiquer, à faire les bonnes actions, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout un travail. Alors que si tu passes directement par la science religieuse, si tu es sincère, elle va te donner al-khashiyah, elle va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Si une personne meurt sur la recherche de la vérité. Non. Le frère, il dit, si une personne, bon, c'est pas relié à notre sujet, mais si quelqu'un meurt, n'est-ce pas, il n'était pas musulman, en recherchant la vérité. Il cherchait al-haq. Il y a une différence entre une personne qui était sur le tawhid et qui n'était pas sur le tawhid. Si la personne était sur le monothéisme, mais qu'elle ne savait pas c'était quoi la religion qui est véridique, ça veut dire, il dit, mais les chrétiens, ils disent que ça, c'est la religion de Dieu. Les juifs disent la même chose, les musulmans, ils disent la même chose. Je vais commencer, je vais, en quelque sorte, faire la comparaison. En étant monothéisme, ça veut dire, ils croient que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit d'être adoré. Alors là, les ulama, ils ont dit qu'une telle personne est excusée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle meurt avant ça, c'est parce que son intention, c'était de chercher le bon message. Mais si la personne était morte en tant que polythéiste, alors là, c'est tout un débat entre les ulama dans lequel on ne va pas entrer, c'est parce que c'est un sujet qui est très très large. Na. Taïb. Une autre preuve, et ça c'est très important, c'est une très belle preuve à dire aux frères comme ça qui allait faire ses, qui allait à son cours de chimie et qui t'a dit que moi je vais vers le paradis. Tu vas lui dire, écoute mon frère, le prophète alayhi salatu wasalam nous a informé, comme dans Sahih al-Bukhari, que l'un des signes de la fin des temps, c'est quoi? La disparition et la quasi-disparition de al-ilm. Yaqillu al-ilm, n'est-ce pas? Yurfa'u al-ilm, ou kama qala alayhi salatu wasalam. Ça veut dire la connaissance, elle va être élevée de cette planète. Les personnes vont avoir de moins en moins de ilm, de connaissance. Wa yadhhara al-jahlu, ou wa yakshuwa al-jahlu, ou kama qala alayhi salatu wasalam. L'ignorance va se propager avant la fin des temps. Le plus qu'on se rapproche de la fin des temps, le moins de savoir que les gens vont avoir. Est-ce que, si on va comparer ça avec notre réalité aujourd'hui, est-ce que c'est la science de la religion qui répond à cette réalité ou bien est-ce que c'est les sciences de la vie du bas-monde? Religion, voyez-vous. Dans le temps, les gens ne savaient même pas écrire et lire. De nos jours, les gens, tout le monde, là, même la personne, n'est-ce pas, il vient de grandir comme ça à 5 ans, il peut te faire, n'est-ce pas, il peut faire une transaction par internet et te ramener telle machine, telle autre machine, etc. Donc, le ilm de al-hayat al-dunya, de cette vie du bas-monde, les personnes deviennent de plus en plus informées et cultivées. Les sciences de al-akhirah, de l'au-delà, les personnes et les gens en général deviennent de moins en moins renseignés et informés et intéressés par ce domaine en quelque sorte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces gens-là. Quand il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais la plupart des gens ne savent pas, ils n'ont pas la science. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Ils ont la science de seulement une partie apparente de ce bas monde, alors qu'ils sont dans un état d'oubli et de rafla pour ce qui est de l'akhira, ça veut dire la vie de l'au-delà. Voyez-vous, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit à l'avance que la plupart des gens sur cette terre ne sont pas intéressés et ne sont pas informés sur l'akhira. Ils se concentrent sur une partie qui est apparente de ce bas monde. Ça veut dire, il veut savoir comment il peut compter les billets, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il peut signer le chèque? Comment il peut faire telle chose, telle chose? Ça l'intéresse, c'est parce que c'est quelque chose qui est matériel, qui est concrète, qui est direct. Il peut avoir maintenant. Al-akhira, il n'est pas intéressé. Il va te dire, c'est trop loin, je ne suis pas intéressé, ce n'est pas ma priorité. Non. Ce qui n'exclut pas, encore une fois, on le rappelle, que la vie, ou bien que la science de cette vie du bas-monde, c'est une chose qui reste quand même importante pour nous en tant que musulmans et en tant que communauté. On peut voir même dans le temps, n'est-ce pas, lors du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, on a l'un des compagnons qui est Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, comme dans Sahih al-Bukhari, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a chargé d'apprendre l'hébreu, d'apprendre la langue, l'hébreu, et il l'a apprise en 15 jours. Il a appris en 15 jours parce que lui, bien sûr, c'était l'un des écrivains du prophète, alayhi salatu wasalam, comme on l'a mentionné dans le cours, l'histoire de l'Qur'an, Al-Karim, et pour qu'il puisse en quelque sorte faire les communications, s'assurer des communications du prophète, alayhi salatu wasalam, avec Al-Yahoud, il s'est intéressé à cette langue en tant que telle, comme dans Sahih Al-Bukhari. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant, était tellement intéressé, et c'était l'un de ses rêves à devenir un médecin. Il aimait tellement At-tib. Et il disait, ah, ça c'est une science, malheureusement, que les juifs et les chrétiens, ils nous ont devancés dans cette science. Il se disait toujours qu'on devrait être aussi en quelque sorte aussi informé et renseigné sur la médecine que eux en quelque sorte. Et l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, quand il parle aussi de l'importance de ces sciences qu'on appelle les sciences du bas monde, il dit que ça fait partie même des sciences de ulum al-Qur'an. Il dit que la technologie moderne, n'est-ce pas l'imam Sa'di rahimahullah, est-ce que les gens connaissent l'imam Sa'di? Combien de personnes ici connaissent l'imam Sa'di rahimahullah? Abdurrahman al-Sa'di. Taïb, combien de personnes ici connaissent Cheikh Ibn Uthaymin? Deux, trois personnes. Sept, huit, neuf personnes quand même. Si vous connaissez Cheikh Uthaymin, vous devez connaître Cheikh Sa'di. C'est parce que Cheikh Sa'di, c'est le Cheikh principal de Cheikh Uthaymin. Cheikh Uthaymin, il vient de l'école de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di. Donc, Imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, il a un livre sur Ulum al-Qur'an et il dit que les sciences modernes qui touchent à la technologie, etc., et dont les musulmans ils ont besoin, en réalité, elles font partie de Ulum al-Qur'an. Des sciences de l'Qur'an Karim, c'est parce qu'elles nous aident à pratiquer et à mettre en application le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, ici, il y a une question qui se répète, on peut même ouvrir un petit débat de quelques minutes sur ça, Inch'Allah, si vous avez des questions, comme ça on pourra répondre à ces questions-là. Je sais qu'il y a des frères qui posent beaucoup cette question, n'est-ce pas? Est-ce que moi, mettons, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, 22 ans, est-ce que je devrais aller à l'université pour apprendre, pour avoir un diplôme, comme tout le monde, ça veut dire un diplôme de cette vie du bas monde, ou bien je devrais mettre ça maintenant de côté et je dois me concentrer pour le restant de ma vie à apprendre là? Religion. Je veux partir à la Médine. Je veux partir à telle place, à telle place. Voyez-vous, c'est une question qui se répète beaucoup. Et toujours la réponse qu'on donne, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas dissocier entre les deux. Et celui qui est sincère, ça veut dire qui a al-himma, celui qui est motivé, qui veut vraiment, qui aspire à grandes choses, à être bénéfique pour la umma du prophète, alayhi salatu wasalam, il doit faire les deux. Il doit faire les deux. Avoir et étudier la science de ce bas monde et apprendre aussi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu vas voir la plupart des personnes, des savants qui sont les plus bénéfiques de nos jours, les personnes de connaissance, en général, c'est des gens qui ont une double formation. Une double formation. C'est parce que première chose, même si tu reviens par exemple au livre des ulama, n'est-ce pas, le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, dans son livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, quand il parle des conditions, c'est quoi les conditions d'un alim, le mujtahid, celui qui a le droit de faire, de donner des fatwas, d'émettre des fatwas, il dit que l'une de ses conditions, c'est qu'il doit bien connaître son contexte, sa réalité, voyez-vous. Il doit connaître bien la situation avant de pouvoir émettre la fatwa. C'est parce que si toi, tu ne connais pas le contexte, comment est-ce que le monde, il fonctionne de nos jours, et les gens, ils viennent te demander une question, toi, tu vas te mettre dans les livres du 7e siècle et tu vas dire, voilà la réponse. Alors que cette réponse-là, les ulama, ils l'ont fait pour leur temps, voyez-vous. Mais ils t'ont indiqué aussi c'est quoi les règles à utiliser pour pouvoir émettre les fatwas pour ton temps. Et toi, tu dois t'inspirer de leurs règles et pas seulement de leurs ahkam et de leurs fatwas en tant que tel. Donc, si, et il y a beaucoup de frères malheureusement qui étudient comme ça les sciences de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, va aller à l'université islamique, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu as à choisir entre les deux, si ta motivation n'est pas si haute que tu veux faire les deux en même temps et tu dois choisir, alors vas-y, étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur que toi, c'est la meilleure des deux choses qui sont quand même bénéfiques. Mais normalement, une personne qui est sincère, qui veut s'être bénéfique à elle-même et pour sa communauté, elle doit étudier les deux choses en même temps. C'est parce que, comme je l'ai dit, la plupart des personnes, surtout de nos jours, qui étudient seulement dans ces universités qu'on appelle islamiques, n'est-ce pas, parce qu'elles ont beaucoup changé, elles vont te sortir avec une personnalité qui est très partielle, qui est très partielle, voyez-vous. C'est parce que c'est une chose qui est voulue de nos jours. On ne va pas, bien sûr, s'étaler dans ce sujet-là. Ce n'est pas quelque chose qui nous regarde pour notre séminaire. Mais de nos jours, c'est quelque chose qui est politiquement voulu, de façon qui est volontaire, de faire en sorte que ceux qui étudient les sciences de ce bas monde, ils vont seulement étudier les sciences de ce bas monde. Ça veut dire, pour faire sortir des gens comme ça, des musulmans laïcs. Des musulmans laïcs comme ça, ça veut dire Ils ne connaissent rien sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te dire, moi je suis un médecin, regarde. Moi je m'appelle docteur tel et tel et tel et tel. Et toi t'es qui? N'est-ce pas? Toi t'es qui? Tu connais le Coran, mais quoi d'autre? N'est-ce pas? Toi, tu parles à l'intérieur de ta mosquée. L'extérieur, c'est moi. C'est moi qui m'appelle, je suis un professeur, je suis docteur. C'est moi l'expert qui peut parler de la vie de tous les jours. Et de l'autre côté, on va te mettre aussi des universités islamiques comme ça, qui ne donnent à la personne que des sciences crues sur la religion en tant que telle, sans lui donner une compréhension de son contexte et de sa réalité et de comment mettre en réalité la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le contexte. Donc là, il va sortir de son université, il va sortir de son masjid, il va voir à droite et à gauche, il va voir que la vie est différente. Que la vie est différente. Il va voir, ça va faire tourner la tête, voyez-vous, c'est parce qu'il a appris quelque chose. Il a appris quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, qui ne peut pas mettre en pratique. C'est pour ça que rares sont les personnes, comme j'ai dit, qui peuvent être en quelque sorte influentes. Le deuxième point qui est extrêmement important aussi, n'est-ce pas? Surtout pour les frères ici qui vivent en Occident. Parce qu'on est dans un séminaire sur la science et je suis certain qu'il y a des frères qui se posent ce genre de questions, voyez-vous? Si tu vas étudier seulement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettons que tu es parti à la Médine, tu as étudié pendant 5 ans, 6 ans, alhamdoulilah, tu as eu ton bac en sharia, etc. Si tu es intéressé à rester là-bas, bien sûr, dans la Médina du prophète, alayhi salatu wassalam, etc., c'est excellent, c'est bien pour toi, alhamdoulilah. Mais on parle de quelqu'un qui dit, moi je vais étudier, après ça revenir, faire la da'wa, etc. Très bien, tu as étudié, tu es revenu. Maintenant, tu vas faire quoi comme travail? Comment est-ce que tu vas gagner ta vie? Comment est-ce que tu vas gagner ta vie? Un cheikh, on va te mettre dans le coin de la mosquée, si on va t'accepter, n'est-ce pas? On va te donner, mettre sur ta tête toutes les peines du monde, et on va te dire, on te donne 1 500 $ par mois et tu te tais. Vois-tu? C'est ça qu'est-ce que ça veut dire, cher. Si tu es cher pour les gens, si tu es seulement cher, comme ça, entre guillemets, un cher, c'est ça ce que ça veut dire pour la majorité des personnes, malheureusement. Et que quand toi tu dis, toi tu parles et moi aussi je parle. Parce que toi tu es seulement un cher, voyez-vous? Mais si toi tu es un cher, mais que ça cher, tu vas le mettre, c'est à l'intérieur de ton cœur, tu es un alim. Mais toi tu es le docteur, le professeur, maîtrise en telle chose, etc. Quand tu commences à parler, les gens vont se taire. Ah, il l'a dit. Ça veut dire que c'est vrai. Voyez-vous la grande différence entre les deux? Et ça, c'est très important dans un monde qui est complexe comme un monde de nos jours. Comme un monde de nos jours. Parce que si tu n'as pas la formation de cette vie du bas monde, les gens vont rire de toi. C'est parce que parfois, oui, c'est vrai que tu vas dire des choses qui sont ridicules parce que tu ne connais pas ta vie, ton monde dans lequel tu vis. Et parfois, tu vas dire des choses qui sont vraies, mais les gens vont quand même rire de toi. C'est parce qu'ils vont dire que toi, tu es seulement un cher. Tu es quelqu'un qui est un arriéré, qui ne comprend pas, etc., etc. Et qui ne sait vivre qu'avec ses livres. Et comme j'ai dit, la personne qui aspire à grandes choses, celui qui veut vraiment être bénéfique à sa communauté, et si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider. Tu n'as pas, tu peux pas dire, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, etc. Fais les deux, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider, bi'idnillahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Na'am. C'est clair? Oui, mon frère. En fait, ma question, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est préférable de faire les deux en même temps. Nous, justement, sachant notre contexte ici en Occident, voilà, il y a pas vraiment d'université qui est islamique et tout, c'est ça comment on pourrait faire justement pour faire les deux en même temps. Ça, c'est un autre sujet auquel je ne répondrai pas maintenant, voyez-vous. C'est parce qu'ici, on va entrer plus dans les détails de la vie de chacun, c'est quoi les choix à faire dans ta vie, etc. Ce n'est pas le sujet de notre... Okay. Séminaire, on va parler une autre fois, Inch'Allah ta'ala. Mais ici, je voulais seulement parler de l'importance à acquérir ce qu'on appelle les deux sciences. Ce qu'on appelle les deux sciences, c'est parce que la science de cette vie du bas monde va t'aider dans la compréhension de la science de l'au-delà et dans sa pratique, dans la vie de tous les jours. Oui, Harry. Une question, c'est presque par rapport à ce que tu as dit. Oui. Mais si, par exemple, on est diplômé ici, on a appris la science ici, mais en même temps, on étudie ici, avec les cours, par exemple, c'est bonne question. Le frère ici, il parle. D'ici quelqu'un, il assiste au cours, etc., etc. Ça veut dire, en d'autres termes, je vais essayer de reformuler sa question. C'est à quelle limite que tu vas considérer que tu as du ilm? Est-ce que c'était ça ta question en quelque sorte? Quand on parle de alim, je sais que c'est une question que les personnes m'ont posée la dernière fois. C'est quoi un alim? C'est quoi un savant? Quelle est la définition d'un savant? Un savant, c'est quelqu'un qui répond à deux critères. Il y a deux critères pour que la personne mérite qu'on appelle un savant, une personne de ilm. Le premier critère, c'est at-taqwa. Ça veut dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, on a besoin d'une personne à laquelle on fait confiance. Parce que si toi, tu es un voleur, tu es un criminel, telle chose, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas combien tu connais sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas te faire confiance. Je vais te poser une question, peut-être tu vas me mentir, tu vas me donner la mauvaise réponse. Voyez-vous, donc ici c'est une question de confiance. Et ça, ce n'est pas quelque chose à vérifier, parce que ça c'est bénéfique. Si vous parlez par exemple, il y a des gens qui disent, moi je sais pas à qui demander quand je m'intéresse à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à toute personne qui répond à ces deux critères. Premier critère, c'est at-taqwa. C'est al-adala, n'est-ce pas? Et comment tu fais pour t'assurer de taqwa, de al-adala d'une personne, du fait qu'elle soit digne, en quelque sorte, de confiance, selon vous? Agréé par les autres savants, quoi d'autre? Tu veux savoir, ils disent que telle personne, il y a un imam comme ça, il peut te répondre à tes questions. Toi, tu veux savoir, est-ce que vraiment il est qualifié, voyez-vous? Première question, tu dois vérifier, ou bien la première condition, on va dire comme ça un mot qui est plus précis, on va parler de son intégrité. La personne doit être intègre. Comment s'assurer que la personne est intègre? Oui. Les gens vont l'aimer. Les gens vont l'aimer. Quoi d'autre? Oui. Taïb. On se rapproche, donc on va voir ici qu'est-ce qui est apparent sur la personne. Mais la réponse est très simple. La réponse est très simple, c'est que la règle dans le cas de chaque musulman, c'est qu'il est intègre jusqu'à la preuve du contraire. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vérifies, c'est une chose que tu la prends pour acquis, sauf s'il y a quelque chose qui prouve le contraire. Ça veut dire, moi quand je vois un musulman, et ça ce n'est pas juste pour les savants, pour chaque musulman, en général dans la vie, quand je vois un musulman, n'est-ce pas, je prends pour acquis que c'est une personne qui est intègre. Un jour, je l'entends mentir. Le deuxième jour, il ment. Le troisième jour, il ment. Je vais commencer à avoir des doutes et à questionner son intégrité. Je ne lui fais pas confiance. Je vois un autre musulman. Ah, il est intègre. Ah, on parle que lui, son commerce, c'est un commerce qui est à 100% haram. Il gagne son argent de haram. Et il fait ça depuis des années. Il n'y a pas de problème avec ça. Je m'excuse, mon frère, tu n'es plus intègre pour moi. Etc, etc. Mais la règle dans chaque musulman, c'est qu'il est intègre. Donc normalement, tu n'as pas à la vérifier. Mais si on te parle de quelqu'un, on va te dire tel cheikh et tel cheikh et tel cheikh, et tu vois que lui, c'est un voleur d'argent, un criminel, un menteur, etc. Oublie. Dis-leur, je m'en fous combien est-ce qu'il connaît de Coran et les récitations, etc. Et les Bukhari, etc., etc. Ce n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un, j'ai peur qu'il ne parle pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il parle pour autre chose. Et on va voir ça, inshallah ta'ala, en détail, dans le troisième et quatrième chapitre, inshallah ta'ala. La deuxième condition, c'est al-ilm, la connaissance. Donc, l'intégrité et la connaissance te font sortir un savant. Et la connaissance, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui a des limites. C'est une chose qui est illimitée. Voyez-vous, elle ne se termine jamais. La quête vers la science, comme on va le voir, inshallah ta'ala, c'est une quête qui dure avec toi pour le restant de ta vie. Donc, on ne peut pas dire que lui, ça y est, il a la connaissance. Lui, il n'a pas la connaissance. Sauf pour une personne qui a atteint le degré de ijtihad, qu'on va voir dans le cours de Usul Fiqh, c'est une autre chose. Ça veut dire, là, on parle des grands savants. Voyez-vous, les grands savants, quand on dit, ça c'est un savant avec un grand comme ça, n'est-ce pas? Ça veut dire, on parle ici d'un mujtahid. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est qualifié pour faire des fatwas pour la umma du prophète, alayhi salatu wassalam. Et s'il faut distinguer entre un savant et entre quelqu'un qui a de la connaissance, qui a du savoir. Et un frère, il m'a posé cette question la dernière fois, n'est-ce pas? Il a dit que j'ai vu dans le temps que... C'est qui le frère qui m'a posé cette question? Lors du temps de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Oui, le frère m'a posé la question, il dit, j'ai vu une narration que Ali radiallahu ta'ala anhu, il a vu des personnes comme ça dans la mosquée en train d'apprendre la religion à d'autres personnes, à faire des rappels, etc. Et il leur a demandé, est-ce que vous connaissez Nasikh ou Al-Mansur, les abrogations, etc. Ils ont dit non. Il a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ça veut dire, vous n'êtes pas censé enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce qu'on va appliquer ça partout, dans tout le temps? Non. Si on va appliquer la même chose que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, anhu, a fait, on va enlever comme ça, sans exagération, 95% des imams en Amérique du Nord et en Occident, et même partout dans le monde. On va les enlever, on va dire dehors de ta mosquée, tu n'enseignes pas la religion parce que tu ne connais pas Al-Nas, Ikhwa, Al-Mansour, voyez-vous. Mais ici, il parle lors du temps de Ali, radiallahu ta'ala, anhu. Pourquoi? Parce que lors du temps de Ali, radiallahu anhu, les grands compagnons étaient encore vivants. Voyez-vous, les ulama, les mujtahidines, ils existent, ils sont là. Si quelqu'un est intéressé à prendre sa religion, il a les grands savants. Jusqu'au point où même d'autres compagnons, de grands compagnons, n'enseignaient pas la religion. C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un comme Ali, radiallahu ta'ala anhu, qui est là. Si tu as des questions, tu vas demander à Ali. Ne viens pas me demander à moi, voyez-vous. Et c'est comme les savants, ils ont dit par exemple, un mafel qu'ils utilisent toujours, une expression, « La yufta wa malikun fil madina ». Personne ne fait de fatwa quand Imam Malik est à la Médine. Voyez-vous, même si tu as de la connaissance, si tu es qualifié pour faire la fatwa, tu ne fais pas de fatwa. Pourquoi? Parce que Imam Malik, il est là, c'est quelqu'un qui se distingue grandement de par son savoir. Ça veut dire, ça y est, il couvre la responsabilité. Ça veut dire, toi, tu parles pourquoi? C'est qui t'a poussé à parler, voyez-vous? Mais maintenant, quand on n'a pas ces ulama qu'on appelle al-mujtahidin, qui rassemblent les conditions que l'ulama, ils ont mentionnées dans Usul Fiqh, n'est-ce pas, qui font de toi un vrai savant, ça veut dire un savant, là on peut écrire ton nom dans la liste des savants de la Ummah du prophète, alayhi salatu salam. Quand ça n'existe pas, les ulama, ils disent, on passe, fal-a'lamu, fal-a'lam. Ça veut dire, on va chercher celui qui a le plus de connaissances, sans qu'il ne soit nécessairement un savant. Et ce qui fait en sorte que nous avons bien sûr des du'at qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, des imams dans toutes les mosquées du monde, etc., etc. La grande majorité de ces imams ne sont pas des ulama, ne sont pas des savants, c'est des gens qui ont de la connaissance. Ça veut dire qu'ils peuvent répondre aux gens pour ce qui est de la majorité des questions qui touchent à leur vie qui est quotidienne. C'est clair? Non. Oui, bien sûr. Ça, c'est يعني, la yakhlu zamanun min mujtahid. Comme les savants, ils ont dit. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque heure, il va mettre des mujtahidin. Ça veut dire des grands savants qui, ont existé qui vont exister dans la Ummah du prophète, alayhi salatu wa sallam. Oui. Ça, on va en parler un peu plus tard, Inch'Allah. Des deux, Inch'Allah. De la philosophie ainsi que de la question sur les priorités de l'apprentissage, Inch'Allah. On va en parler quand on va passer au quatrième chapitre. Ça va être sur la quête de la science, l'apprentissage de l'ilm en tant que tel. D'autres questions sur ce qu'on vient de mentionner maintenant? Est-ce que c'est clair? طيب on va s'arrêter à ce point, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.